Alors, au passé simple en joueur, avec il ou elle au pluriel, et donc aussi avec ustedes, pour les verbes en ar, on emploie la terminaison aron. Aron. A-R-O-N. Donc, on remplace le ar de l'infinitif par aron. Alors, il ou elle ont parlé, au passé sans plongeoir. Hablaron. C'est ça, hablaron. Hablaron. Et il ou elle m'ont appelé, sans plongeoir toujours. Me llamaron. Encore une fois. Me llamaron. D'accord, me llamaron. Il faut que l'on puisse bien entendre la terminaison. Me llamaron. Et maintenant, vous vous adressez à plusieurs personnes que vous voyez. Donc, à ustedes. À quelle heure est-ce que vous m'avez appelé? Sans plongeoir. À qué hora me llamaron? Bien. À qué hora me llamaron? Et ils ou elles sont arrivés tard, au passé sans plongeoir. Llegaron tarde. Llegaron tarde, oui. À quelle heure est-ce que vous êtes arrivé? Vous posez la question à ustedes. À quelle hora llegaron? D'accord, encore une fois. À quelle hora llegaron? Bien, à quelle hora llegaron? Et je suis arrivé il y a 2 heures. Je suis arrivé, au passé sans plongeoir. Llegué. Oui, llegué. Et pour dire « il y a », on dit « ça fait ». Donc, « ça fait 2 heures », « ça fait » se dit « fait ». Bon, il ne peut y avoir qu'une seule syllabe accentuée par mot. Là, vous en avez accentué 2. Donc, vous devez choisir laquelle des 2 doit être accentuée à l'oral. « Hace ». Hace, hace, c'est ça. C'est sur l'avant-dernière syllabe qu'on doit insister à l'oral, parce qu'il s'agit du présent. Donc, « a fait » signifie « ça fait ». On l'emploie dans le sens de « il y a ». Donc, « il y a 2 heures », c'est-à-dire « ça fait 2 heures », a fait. « Hace dos heures ». Vous avez déjà utilisé auparavant « à quelle heure ». À quelle heure, qui se dit? Ah oui, à quelle hora? À quelle hora? À quelle hora? À quelle heure? Hora s'écrit H-O-R-A. Donc, il y a 2 heures, ça sera? Hace 2 horas. Bien, hace 2 horas. Llegué hace 2 horas. Et ils ne sont pas arrivés, toujours au passé sans plongeoir. No llegaron. Bien. No llegaron. D'accord. Donc, aron est la terminaison pour il ou elle au pluriel et ustedes, pour les verbes en ar. Pour les verbes en er et ir, la terminaison est yeron. I-E-R-O-N. Donc, on a aron et yeron. Aron. Pour les verbes en ar et yeron, pour les verbes en er ou ir. Aron et yeron. Alors, ils sont sortis, au passé sans plongeoir, se dit salieron. Salieron, en effet. Et à quelle heure est-ce que vous êtes sortis? Vous posez la question à ustedes, toujours sans plongeoir. ¿A qué hora salieron? Bien. ¿A qué hora salieron? Et ils n'ont pas mangé. Sans plongeoir. No comieron. D'accord. No comieron. Et ils m'ont écrit. Sans plongeoir. Me escribieron. Me escribieron. Et pour dire... ils m'ont parlé. Sans plongeoir. Me hablaron. D'accord, me hablaron. Et comment dites-vous « je reste » Me queda Non. Me quedo. Non. Me quedo. Qu'est-ce que vous décidez? Me quedo. Me quedo, hein? C'est ça. Me quedo. Hein? Me quedo, c'est je reste. Littéralement, je me reste. Mm-hmm. Hein? Alors, je ne reste pas, c'est... No me quedo. No me quedo. Hein? Et je suis resté à la forme simple du passé, donc sans plongeoir. Me quedi... non. Me quedé. Me quedé. D'accord. Hein? C'est un verbe en ar. Hein? Quedarse. Donc, me quedé. Hein? Et il est resté, toujours sans plongeoir. Quedo. Littéralement, il s'est resté. Hein? Oui. Se quedo. Se quedo. Hein? Se quedo. Hein? D'accord. Donc, il n'est pas resté, sans plongeoir. No se quedo. No se quedo. Et il ou elle sont restés, toujours sans plongeoir. Quedaron. Se quedaron. Se quedaron. Hein? Donc, on a Aaron avec il ou elle au pluriel. Et pour l'autre catégorie de verbes, on a... Yeron. Yeron. Hein? Donc, on a maintenant E, O et Aaron. Pour les verbes en ar et i, io et ieron, pour les verbes en er et ir.